Chapitre 6e. Quelques jours seulement après la soirée en tête-à-tête qui sert de début à ce récit, Paul se promenait fort agité dans sa chambre en face de son costume du soir étalé sur les meubles. La question était de savoir s'il irait ou n'irait pas dîner en ville. Ce n'était pas qu'il eût honnêtement le droit d'hésiter. Il avait reçu l'invitation, il l'avait acceptée. Aucune maladie, aucun deuil n'était survenu. On comptait sur lui. Les maîtres de la maison l'avaient promis à leurs hôtes. Enfin, pourquoi le cacher? Il s'agissait d'un de ces dîners de gourmets si rares, même à Paris. Mais boulevard Saint-Germain, le temps était à l'orage. Dans la journée, Chérency avait essuyé une bourrasque et en ce moment, il cherchait le moyen de ne pas laisser Nadia dans une solitude dont il connaissait le danger pour elle. Son bon cœur et sa tendresse lui conseillaient d'envoyer à ses hôtes quelques bons mensonges, d'aller dîner à son cercle et de courir surprendre son ami qui, pour dire la vérité, avait refusé 10 fois, une heure auparavant, ce sacrifice qu'il lui offrait de lui faire. Au dernier moment, l'idée lui vint qu'il pouvait tout concilier. Cette idée, par ses résultats inattendus, devait décider de sa vie. Dans tous les cas, pour le moment, la conciliation réussit mal. Son dîner ne lui fit aucun plaisir, et il donna lui-même peu de plaisir aux autres, car il était préoccupé, nerveux, envoyant chaque plat au diable, et souhaitant que l'on mangeât sans parler, afin d'avoir plutôt fini. À 10 heures enfin, il peut sauter dans une voiture et se faire conduire, bride abattue, chez Nadia, dont il se figurait la surprise attendrie, comme elle allait lui reprocher d'avoir quitté ses hôtes pour elle. Mais il faut se défier du nom des femmes à qui l'on offre un sacrifice quelconque. Dès 9 heures, Madame Fresnel avait attendu Paul. « Il m'a laissé triste, » avait-elle pensé. « Je le connais. Il aura envoyé promener son invitation et va m'arriver, le cher. Il me gâte tant. Mais moi aussi, je lui ménage une surprise. Il va me trouver douce, calmée, contente, appréciant les joies de ma vie, tout à lui. » À 9h20, on n'avait pas entendu parler de Chérency, et Nadia n'était plus ni douce, ni calmée, ni contente. À 9h30, 100 fois pire qu'elle n'avait été de la journée, elle se fit habiller à toute vapeur et conduire chez la générale, où elle trouva chambre complète. Son entrée produisit l'effet ordinaire. Tout le monde se tut, et la maîtresse de la maison se mit à rire, ce qui était sa manière de souhaiter la bienvenue aux gens. Comme de juste, selon le degré d'amitié, le rire variait. Avec les indifférents, Nathalie s'en tenait à 2 ou 3 légers gloussements. Si le visiteur était un favori, elle frisait la pâmoison et semblait sur le point d'étouffer. Comme au fond, Madame Fresnel lui imposait, le thermomètre ne monta qu'au rire accentué de bonne compagnie, le rire des mardis aux Français. Nadia, qui n'avait pas envie de rire, s'assit mélancoliquement, et les joueurs des deux sexes groupés autour des tables se remirent à leur partie après avoir levé le nez pour voir après qui Flore aboyait. Le mot était de Valroy, l'un des tyrans de la maison, possédant et cultivant sans contrainte le don d'habiller des vérités dures sous une enveloppe désobligeante. Une whisteuse d'âge avancé, baronne autrichienne, d'aucun disait allemande, venait d'éteindre de lampes qui lui faisaient mal aux yeux. Aussi distinguait-on à peine, dans la vaste pièce, des groupes vagues disséminés dans les coins. En revanche, on étouffait. Grâce à une princesse en œuf, toujours gelée, d'autant qu'elle était drapée, hiver comme été, dans des mousselines blanches et des dentelles vaporeuses. De ce nuage frissonnant sortait une jolie tête blonde inquiète, aux 2 yeux dévorants de poitrinaire. On l'appelait la princesse vampire, surnom mérité fort inégalement, à en juger par ses 2 victimes attitrées et titrées, assises près d'elle et luttant silencieusement pour lui plaire de soupirs éperdus, d'œillades incendiaires et de bûches jetées dans la cheminée. L'un des hommes, petit, rouge comme un coq, gras comme un moine, riche comme un Crésus, était un financier israélite à Tortil, tout fier d'être du dernier bien avec une princesse authentique et souvent gênée. L'autre, famélique, épuisé, très pauvre, mourait d'amour, au sens rigoureux du mot, pour cette névrosée de 15 ans plus âgée que lui. Mais il mourait mal. Autrement que doit mourir un homme de la vieille race française, dont il sortait. Sa pauvreté, sa passion soumise à d'étranges épreuves, ses alternatives d'enthousiasme et de dégoût pour son idole, ce malheureux ne cachait plus rien. Il riait même de son sort avec les autres, pour ne pas leur laisser le plaisir d'en rire derrière lui. La pièce voisine, dont la porte restait ouverte, semblait aussi resplendissante de lumière que le salon était sombre. On s'y amusait beaucoup, et Nadia aurait bien voulu prendre sa part de cette joie. Mais elle devinait là deux ou trois jeunes femmes dont les lorgnons impertinents l'intimidaient. Fort à propos, Valeroy sortit du sanctuaire et s'approcha, son éternelle cigarette à la bouche, du canapé où Madame Fresnel et la générale étaient assises. « Dieu me pardonne !» s'écria Nathalie. « Je crois qu'on fume dans ma chambre. »« Oh, presque rien !» répondit Valeroy avec une tranquillité parfaite. « Il est défendu de fumer au salon ce soir à cause de l'asthme de votre assommante baronne. » Eh, mon cher, fumez à la salle à manger alors, a-t-on jamais vu? Ces dames disent qu'elles n'aiment pas souper dans la fumée. Ne vous agitez pas. Quand tout le monde sera parti, votre femme de chambre ouvrira les fenêtres pendant 5 minutes et vous dormirez comme dans un bosquet. Seigneur, fit Nadia, qui était frileuse autant qu'une chatte, il gèle à pierre fendre. Mais pour le moment, le bosquet me semble habité par des oiseaux bien tumultueux. C'est un pari que Luznac vient de perdre, qui cause tout ce bruit. Cette folle d'Élisabeth de Talamont avait gagé contre lui que le pied célèbre de la belle Marot n'est pas plus petit que son pied à elle. Piqué d'honneur pour sa protégée, Luznac est allé, séance tenante, à l'opéra, prendre les chaussons de la danseuse et baisse les amis sans peine. Elle est dans le ravissement et prétend garder le trophée de sa victoire. Là-dessus, force commentaire, qui n'intéresserait pas une recluse vivant comme vous en dehors des jolies histoires de notre monde. Et voilà tout, chère madame. » La générale, qui était allée donner un coup d'œil à sa chambre, revint s'asseoir fort en colère. Elle dit à madame Fresnel, la confidente ordinaire de ses désespoirs, « C'est trop fort. Ils ont fait de ma pauvre chambre un fumoir, ma petite, une tabagie. Ces gens-là se moquent de moi. Positivement, je pars demain pour Nice. » Ah, ma chère, quand je regarde ma vie à côté de la vôtre, tenez, la femme la plus heureuse de Paris, c'est vous. » À ces paroles, Nadia sentit en elle une de ces réactions brusques qui étaient dans sa nature. Elle comparait à son bonheur presque complet le sort de cette pauvre femme isolée, livrée au hasard des amitiés indiscrètes, et son âme se fondit dans un élan de tendresse et de reconnaissance envers Paul. Que n'eût-elle donné alors pour fuir ce salon, où tant de fois il l'avait suppliée de ne pas venir, pour voler dans les bras de celui qui était tout pour elle, dont l'estime valait mieux que toutes les joies du monde, comme elle l'eût remercié de ce bonheur que depuis 4 ans il lui donnait, comme elle eût soupiré à son oreille, le cœur gros de douces larmes. Ah, donne-le-moi toujours ce bonheur, jusqu'à mes cheveux blancs, jusqu'à la tombe, et que le ciel me préserve de partir la dernière. » Elle faisait cette oraison jaculatoire, le teint brillant, les yeux animés, vraiment jolie et touchante, souffrant d'être obligée d'attendre jusqu'au lendemain pour répéter tout haut sa prière. Elle fut arrachée à son rêve tendre par un éclat de rire qui vibrait à 6 pouces de son oreille. La générale, brusquement consolée, se pâmait dans un accès d'hilarité convulsive, et un personnage inconnu de Nadia s'approchait lentement en fixant sur celle-ci un regard interrogateur et froid qui la mit tout d'abord mal à son aise. Il n'y avait pas besoin de considérer longtemps le nouveau venu pour s'apercevoir qu'il était fort beau, peu sympathique, mais mieux élevé ou tout au moins mieux conservé dans son éducation que les hôtes ordinaires du salon de Nathalie. S'adressant à cette dernière, sans quitter Madame Fresnel des yeux, il dit d'un ton traînant et ennuyé, « Toujours gaie, cousine, à ce que je vois. Mon Dieu, Edmond, je vous attendais si peu. » Vous aviez tort. Vous savez bien que je ne manque jamais à venir vous souhaiter la bonne année. Vous êtes un parent modèle. Mais si je ne me trompe, c'est aujourd'hui le 25 janvier. On a tout le mois. D'ailleurs, vous avez dû recevoir mes bonbons la veille du jour de l'an. Vous les avez déjà oubliés, ingrate. Hein, « vos bonbons !» s'écria Nathalie, ramenée à ses impressions de la minute précédente. « vos bonbons, si vous croyez que c'est moi qui les ai mangés. » Puis, mettant fin prudemment à cette conversation aigre-douce et se tournant vers Madame Fresnel, « Ma chère amie, permettez-moi de vous présenter le marquis de Roxervière, mon neveu. » Edmond salua et s'apprêtait à tourner une politesse à la chère amie de sa tante. Il en fut empêché par une voix grave, un peu masculine, qui disait tout près de lui « Bonsoir, Camor. » Une grande jeune femme, pas jolie mais pire, avec l'air distingué, s'avançait sur le tapis en faisant des glissades. Elle relevait des deux mains sa robe de laine très simple, ce qui laissait voir, contraste inattendu, le bas de ses jambes emmaillotées de soie claire et ses pieds charmants revêtus de l'uniforme rose du corps de ballet. « Tiens, » fit Roxervière sans s'étonner, « vous entrez à l'opéra. Au contraire, c'est l'opéra qui entre chez moi. » La chambre de Nathalie se vidait. La présence du beau Roxervière était un fait trop rare pour ne pas exciter la curiosité chez les hommes, aussi bien que chez les femmes. Le dernier qui sortit du bosquet, fort embrumé à ce moment, fut Lucien Sireuil. C'était, et c'est encore, un grand éclectique. Il aperçut Nadia, qui, de son côté, le regardait. Il lui adressa du doigt un geste de menace. Une minute après, loin du groupe compact dont le marquis était le centre, ils s'asseyaient tous deux sur un canapé voisin de la porte. « Non, » fit la jeune femme en se bouchant les oreilles, « pas de sermon. Joli sermon d'ailleurs que les vôtres. Je vous conseille de menhir du salon de Nathalie. Vous en êtes le principal ornement. Vous y trônez. Et dans la partie réservée encore. Qu'est-ce que vous venez faire ici, homme austère ? Cherchez de l'ouvrage. Eh bien, qui allez-vous séparer parmi tout ce beau monde ? Rien à faire ici. Je n'ai trouvé ce soir que deux femmes encore mariées. Mauvaise cliente pour un avocat. Monsieur de Talamont exige une seule chose de sa femme, qu'elle n'ait pas d'amant. Et de ce côté, elle passe pour n'être que trop à l'abri. Quant à Madame Valeroy, elle peut avoir tous les amants qu'elle voudra sans que son mari me donne de l'ouvrage. Je ne comprends pas. Dieu merci. Si vous veniez souvent dans la maison, je vous garantis que vous comprendriez. Tenez, chère honnête femme, vous êtes près de la porte. Personne ne vous regarde. Filez sans rien dire et rentrez chez vous. Parole d'honneur, j'y pensais. Mais dites-moi d'abord ce que c'est que le marquis de Roxervière. Comme on voit que vous arrivez de Bordeaux, il y a 6 ans. À quoi les avez-vous employés alors? Sérieusement, vous ne connaissez pas Roxervière, dit Camor, dit l'avocat, dit Barbe Bleue. Non, fit Nadia. Mais pourquoi tant de surnoms pour un homme seul? Parce qu'il est tout à la fois le plus fatal des séducteurs, le plus ennuyeux des enfileurs d'arguments, et enfin, parce qu'il a 2 épouses légitimes au cimetière. Grand Dieu, quel âge a-t-il donc? Un peu plus de 46 ans. Mais il s'en donne 48 ayant pour système de ne rien faire comme les autres. Quant à ses veuvages, il ne faut pas les lui reprocher. Il s'est si peu occupé des 2 défuntes, de la seconde surtout, épousée pour son argent, qu'elle lui a laissé d'ailleurs. Et la première? La première n'avait pas le sou. Il l'a surprise quand elle avait 17 ans par amour, et l'a quittée au bout de 18 mois, par amour aussi, pour une autre. Que voulez-vous? Il était tellement beau. Les aventures venaient le chercher jusque dans la chambre de sa femme. Quelle horreur! Et quelle incorrection! Le marquis de Roxervière est l'homme le plus correct du monde. Il a mis fin à une situation insoutenable pour sa femme, en laissant celle-ci de côté. Cela vous amuserait-il de savoir le nom de ses principales conquêtes? Point du tout, mais il ne brille guère par la discrétion à ce que je vois. Chère madame, Louis XIV était, je veux le croire, le plus discret des hommes. Cependant, mesdames de Lavallière, de Fontanges, de Montespan et quelques autres ont été fortement compromises par lui. C'est le mauvais côté d'un amant trop en vue. Et où en sommes-nous à cette heure avec ce beau monsieur, à madame de Maintenon? Oh, pas encore. Le soir, en habit, Roxervière est toujours incomparable, comme vous pouvez vous en convaincre. Par exemple, il ne faut pas le voir de jour, par derrière, quand il marche. Ah, dame, la taille n'y est plus. Mais ce ne serait rien. sans les débris ambulants de 4 ou 5 beautés qui étaient déjà mûres à l'époque où il jouait les chérubins en ville. Voilà ce qui commence à le gêner auprès de la génération actuelle. J'aurais cru tout l'opposé, ce contraste tourne contre lui. Supposons qu'en ce moment vous êtes sur le point d'en devenir folle. Ce serait bien votre faute. Enfin, supposons-le. Un soir, tandis que vous luttez encore, vous vous trouvez assise dans un bal à côté d'une de ses anciennes passions. Une grand-mère aux yeux de lapin, au cou de dinde. Vous la regardez. Vous songez qu'il s'agit pour vous de l'honneur d'être sa collègue. Vous faites vos réflexions. Très humble servante à Roxervière. Un de ces jours, on fermera les Invalides. Savez-vous pourquoi? Pour la même raison. Les jeunes n'en veulent plus. Les amputés du Tonkin n'aiment point à s'y rencontrer avec des blessés de Waterloo qui les appellent camarades. Cela sent trop le frère, il faut mourir, de la trappe. Que vous a-t-il donc fait, ce pauvre marquis? Vous le détestez? Vous vous trompez. Je lui dois trop de belles plaidoiries. Je ne lui reproche qu'une chose, c'est d'être devenu, en vieillissant, prudomesque, sentencieux et pédagogue. Il ne manque pas d'esprit, mais son esprit a la légèreté de ces fleurs en pierre qui couronnent le front des statues. Enfin, ce n'est pas tout à fait de sa faute. Il est auvergnat. Vous partez, Valroy? Je ne pars pas, je me sauve, répondit le personnage interpellé qui, effectivement, battait en retraite. Roxervière démontre scientifiquement à ces dames qu'elles ont tort de se maquiller et de teindre leurs cheveux. C'est crevant. Il me semble assister au cours du professeur Pedlou, homme sévère mais juste. Et, fit Nadia, qui n'était pas intéressée dans la question, étant donné l'auditoire, je trouve que l'orateur montre un certain courage. Dites une certaine cruauté, répondit Valroy. Regardez les restaurations de la figure de cette pauvre comtesse que Roxervière refusa d'enlever au temps de Sadova. Et jugez un peu ce que ce serait, non réparé. Le bon apôtre disparut, laissant Madame Fresnel continuer sa conversation avec Sireuil. Un instant après, Valroy se montra de nouveau. « Messieurs et mesdames, cria-t-il, je vous préviens qu'il tombe une neige fondue qui change le trottoir en marécage. On est allé me chercher un fiacre. Qui veut venir avec moi ?» Immédiatement, les retours s'organisèrent. La princesse vampire se chargea de mettre ses deux chevaliers à leur porte, et chacun, pour rester le dernier dans la voiture, voulut prouver que l'autre avait son domicile plus rapproché sur la route à suivre. Valroy emmena la baronne autrichienne, confiant sa femme à la providence et aux bons soins d'un ancien diplomate assez sérieux, à l'en croire lui-même, pour ne plus compromettre personne. Madame de Talamont s'envola avec une miss américaine, blonde et jolie, qu'elle avait présentée le soir même dans la maison. « Madame, fit le marquis de Roxervière en s'adressant à Nadia, ma voiture est à vos ordres. Dans ce quartier, les fiacres doivent être introuvables par ce déluge, et la générale m'a dit. » Madame Fresnel regarda Nathalie, puis le marquis, et répondit sans qu'on pût décider si c'était candeur ou malice. « Mais, monsieur, si j'acceptais, comment vous en iriez-vous vous-même ? » Roxervière, d'abord un peu étonné du compliment et de l'alçon, essaya de dire en riant qu'on trouverait une combinaison. Avec le plus gracieux sourire, on lui répondit qu'il n'y en avait aucune, qu'on lui était fort obligé, qu'avec de la patience on trouverait un fiacre et que d'ailleurs, de la rue de Monceau à Saint-Thomas, c'était un vrai voyage qu'on se faisait scrupule d'imposer à ses chevaux. Les femmes jugèrent que Nadia se conduisait en franche bégueule. Quant aux hommes, l'échec du beau Camors, qui ne daignait pas les reconnaître dans la rue, les réjouissait extrêmement. Mais de la vie commun, c'était raide. Une petite femme, pas lancée, pas cotée, pas connue, refusant de monter dans un coupé qui donnait le chic, comme autrefois les carrosses du roi donnaient la noblesse. « Que diable, ma chère, il ne vous aurait pas mangé, » fit la générale, quand Roxervière fut parti, tout seul. « Vous ne recevez pas tous les jours des politesses d'un homme comme lui. »« Vous non plus, à ce que je viens de voir. » »« Mais une politesse faite trop tôt est autre chose qu'une politesse. » »« Faut-il donc connaître une femme depuis 10 ans pour la remettre à sa porte quand il pleut ?»« 10 ans, c'est trop. Mais 10 minutes, ce n'est pas assez. »« Que voulez-vous ? J'ai été élevé en province. »« Bonsoir et sans rancune. » En arrivant chez elle, Nadia fut désolée d'apprendre que Paul était venu. « Quel dommage, pensa-t-elle, que je sois allée chez Nathalie. Je le vois d'ici furieux. Pourtant, je n'ai pas fait de mal, et je me suis complètement distraite. » Elle espérait bien voir chez Rancy le lendemain dans la journée. En effet, sur les 3 heures, on sonna, mais ce n'était pas Paul. Sur la carte qui lui fut remise, elle lut avec un certain trouble le marquis de Roquesservière. D'abord, un instinct lui conseilla de fermer sa porte. Mais après la raideur témoignée la veille, s'était affiché un parti pris de maussaderie. Elle se ravisa, fit un signe, et l'ennemi pénétra dans la place.